Sayado Ukemika, un élève de Sayado Lita, donne un enseignement à propos d'un vers du Dhammapada qui concerne Appamada, qui signifie en pali l'attention. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Today, I would like to share the Dhamma talk about Appamada. Appamada is in Pali language. It means mindfulness. So, the Buddha said Appamada Amatam Badam Pamado Machunobata Apamadana Miyanti Yipamada Matayata. Our mindfulness is the way to death. Those who are mindful do not die. Those who are not mindful, as if already dead. Le vers du Dhammapada dit Appamada Amata Padam Pamada Machuno Padam. Cela veut dire la vigilance, l'attention et la voie vers la non-mort. On peut dire aussi Nibbana. Alors que l'absence d'attention est la voie vers la mort. Ceux qui sont attentifs ne meurent pas, ceux qui sont inattentifs sont comme déjà morts. Donc si quelqu'un est en mesure de rester attentif dans sa vie quotidienne, il va réduire les dangers et il va réduire le nombre d'erreurs potentielles. Il va se comporter de façon attentive et il fera moins d'erreurs dans sa vie. Donc quelqu'un qui se comporte avec attention va aussi connaître le succès dans sa vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle en pali lokiya sati, c'est-à-dire l'attention du monde. C'est une attention qui sert même dans un objectif mondain de réussite. Sans parler des objectifs supramondains, déjà dans un sens mondain, c'est quelque chose qui est utile. L'attention est quelque chose d'utile. Dans notre vie quotidienne, donc, si quelqu'un parvient à rester attentif, ses actions seront claires, il ne commettra pas d'erreur, il sera à l'abri du danger. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, les gouvernements, les administrations rappellent aux gens de porter le masque, de ne pas communiquer trop, d'éviter les lieux où il y a des foules. Et de cette façon, les gens qui suivent ces instructions donc, se mettent à l'abri de la maladie. Ils sont attentifs à ne pas commettre d'erreur. C'est juste un exemple de l'utilité de l'attention dans la vie quotidienne. On parle donc de lokiya sati, c'est un synonyme de appamada, donc de la vigilance, la non-négligence. Si on peut garder cette attitude, nos actions, nos activités vont prospérer, elles vont progresser. On va connaître la réussite, le succès, et on sera heureux dans cette vie. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que lokiya sati, il y a aussi lokutara sati, donc qui est l'attention supramondaine. Donc maintenant, les yogis pratiquent la méditation et ils font attention à leur comportement, à leurs paroles, à leurs actions. Ils pratiquent la méditation avec attention. Chaque fois qu'il y a inspiration et expiration, l'abdomen se soulève et s'abaisse. Et les yogis tentent d'observer ce mouvement du début à la fin. Le début du soulèvement jusqu'à la fin du soulèvement, le début de l'abaissement jusqu'à la fin de l'abaissement. Chaque fois, à chaque mouvement de l'abdomen, ils essayent de le suivre. De cette façon, chaque objet, chaque phénomène qui vient interrompre cette observation, ils doivent l'observer aussi, ils doivent le suivre. De cette façon, leur attention progresse de plus en plus. C'est le début de l'okutarasati, de l'attention supramondaine. L'okutarasati, l'attention supramondaine, il faut essayer donc de garder cette attention, garder la vigilance, apamada, et de se concentrer en particulier sur notre corps, au début, sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, essayer de vraiment suivre ce mouvement. Si on est très attentif, on peut progresser. Si on suit de façon précise ce mouvement, l'attention va se renforcer. Et si l'attention se renforce, doucement, la concentration va suivre dans son sillage. Lorsque la concentration, à son tour, devient de plus en plus forte, quel que soit l'objet qu'il observe, il observe le soulèvement, l'abaissement, il peut aussi observer le toucher et la posture assise, la marche, il peut observer la marche. Au moment où il est concentré, il peut pénétrer sur la véritable nature des phénomènes qui apparaissent. Il peut pénétrer, se concentrer sur chaque objet, quel qu'il soit, qui apparaît. Alors, cette attention supramondaine qu'il développe au cours de la méditation, il peut essayer de la conserver, de la garder quand il va retourner à la vie quotidienne. Et à son tour, elle va soutenir dans la vie quotidienne, elle va permettre sa réussite dans la vie, parce qu'il va commettre très peu d'erreurs. Si quelqu'un est en mesure de rester attentif, ça va soutenir à la fois sa moralité, sa concentration et sa sagesse. Donc les trois entraînements, sila, sika, samadhi, sika et penya, sika. Ça va soutenir sa pratique du noble octuple sentier, donc le chemin défini par le Bouddha vers la libération. Donc l'attention va soutenir le méditant. Le Bouddha a dit notamment que l'attention peut équilibrer l'effort et la concentration, viriya et samadhi. C'est aussi un rôle qui montre l'importance de ce facteur en méditation, mais aussi dans la vie quotidienne. Si le méditant parvient à vraiment rester attentif, à maintenir son attention, sa moralité va progresser aussi. Pourquoi ? Parce que il va voir clairement. Il va clairement voir comment conserver la moralité et comment la faire progresser. La purification de la moralité, c'est sila visuddhi. Et lentement, elle va donc progresser. Mais aussi, citta visuddhi, la purification de l'esprit, va aussi commencer à progresser grâce à l'attention. C'est aussi l'attention qui permet tant le progrès de sila visuddhi que le progrès de citta visuddhi. L'attention va aussi permettre de maintenir l'équilibre entre viriya et samadhi, entre donc l'effort et la concentration. Il faut que l'effort et la concentration soient en équilibre. Il ne faut pas que l'un soit trop fort par rapport à l'autre pour que la méditation progresse. Et donc, de nouveau, c'est le rôle de l'attention aussi de voir si on fournit trop d'efforts ou si on est trop dans la concentration et qu'il n'y a plus assez d'efforts. C'est aussi l'attention qui permet de maintenir la foi, sadha, et la sagesse ou la compréhension, panya, en équilibre. Donc, il ne faut pas que la foi soit en excès par rapport à la compréhension et vice-versa. C'est grâce à l'attention qu'on peut maintenir l'équilibre entre les deux. Et ce n'est que quand il y a l'équilibre qu'on progresse. Si on maintient donc l'attention, finalement, c'est la connaissance elle-même qui va progresser. Les connaissances de la vision pénétrante, de Vipassana. C'est-à-dire que le yogi va comprendre la véritable nature de l'objet présent. Et lorsqu'il aura vraiment bien progressé dans cette compréhension, finalement, il va pouvoir voir l'illumination, voir Nibbana dans cette vie même. À tout le moins, le premier stade de l'illumination qui fera de lui un sotapanna. Un sotapanna, donc une personne qui a atteint le premier stade de l'illumination, ne reprendra naissance qu'au maximum 7 fois avant de quitter définitivement le samsara, le cycle des renaissances. Donc sa mort ne sera pas longue, pour ainsi dire. Dans maximum 7 vies, il deviendra un arhat. Sa mort ne sera pas longue, ça rejoint donc la première phrase qu'on a dite du Bouddha qui dit « La vigilance, l'attention est le chemin de la non-mort. » C'est pourquoi on appelle donc ces gens les personnes nobles, Arya Pugala, les personnes qui ont atteint au moins le premier stade de l'illumination. Ce sont des personnes pures, donc du stade de Sotapanna à celui de Arhat. Ces personnes reprendront naissance au maximum 7 vies. Et c'est pourquoi donc le Bouddha a dit que l'attention était le chemin de la non-mort. Mais par contre, pour les personnes ordinaires qui n'ont pas atteint ce premier stade de l'éveil, donc les Putujana, on ne peut pas dire qu'il y ait une limite au cycle des renaissances. On ne sait pas combien de temps ils vont errer encore dans le samsara, peut-être 1000 vies, 10 000 vies, 100 000 vies. Il n'y a pas de limite. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables de maintenir l'attention la plupart du temps. Et c'est pourquoi donc le Bouddha a dit la non-vigilance, la non-attention est le chemin de la mort. Pamado, machuno, padam. Bien que le Putujana soit maintenant vivant, on ne peut pas dire, on ne peut pas compter combien de fois il devra encore mourir. Donc, il y a 3 types de mort. Atta-marana, la véritable mort. Santati-marana, la mort qui change d'une succession d'agrégats à l'autre succession d'agrégats. Et Kanika-marana, la mort qui change d'instant en instant. Donc la première, Atta-marana, c'est la mort dont on parle d'habitude, c'est-à-dire la fin de cette existence-ci et le début de notre renaissance dans une vie future. La seconde mort, Santati Marana, c'est par exemple, à ce moment-ci, on a froid, mais bientôt, ce sera terminé et on va avoir chaud, ou vice-versa, on a chaud et puis, à un moment, ce sera terminé, on sentira le froid. Donc c'est une série d'agrégats qui succède à une autre série d'agrégats. Et le troisième type de mort, c'est Kanika Samadhi. Et ce type-là de mort, on peut clairement la voir quand on médite. Chaque fois qu'un objet physique ou mental apparaît, il change. Avant de venir à ce Dhammato, peut-être qu'on a dit quelque chose, peut-être qu'on a fait quelque chose avant de se rendre dans le Dhamma Hall ici, dans la salle de méditation. On a peut-être fait autre chose, mais cette chose qu'on a faite précédemment est totalement terminée. Elle n'existe plus maintenant. Peut-être qu'au début du Dhammato, on pensait à quelque chose, on se faisait une réflexion. Or, à présent, c'est terminé, ça n'existe plus. Pendant qu'on médite, on contemple l'objet primaire, l'objet principal, principalement donc le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et alors qu'on observe cet objet primaire, peut-être qu'on a une sensation qui apparaît dans la tête, une démangeaison, une douleur, un engourdissement. Donc il y a un objet qui vient interrompre notre observation. Donc l'objet précédent a disparu à ce moment-là, il n'existe plus. C'est l'objet présent qui l'a remplacé. Et cet objet présent apparaît clairement. Parfois, on a des douleurs au dos. On note douleur, douleur, et alors même qu'on est en train de noter, il y a un autre objet qui apparaît par exemple dans la tête, une sensation physique. Ou alors ça peut être un objet mental qui apparaît. Par exemple, on note le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen et on se met à vagabonder, à penser à quelque chose. L'esprit qui pense apparaît, remplace l'ancien objet. Douleurs apparaissent encore et encore alors qu'on observe l'objet primaire. Régulièrement, il y a une douleur qui apparaît ici ou là. Et on ne peut pas contrôler cela. On ne peut pas décider de son apparition ou de sa non-apparition. On n'a pas de contrôle là-dessus. À ce moment-là, quand on réalise cela, on voit Kanika Marana, donc le troisième type de mort, la mort momentanée. Alors, tant que on ne pourra pas maintenir l'attention, on ne sera pas en mesure de développer la connaissance de la vision pénétrante. Et donc, on ne sera pas en mesure de progresser. On ne sera pas en mesure de voir la nature véritable de l'objet présent. On ne sera pas en mesure de se libérer et on sera condamné à rester dans le samsara. Et c'est donc pour ça que le Bouddha a dit « Pamada machuno padam », la non-vigilance, l'inattention est le chemin de la mort. Donc le Bouddha a dit « Appamadena maniyanti », ceux qui sont attentifs ne meurent pas. Un méditant, si un méditant peut maintenir l'attention sur chaque phénomène, il va commettre de moins en moins d'erreurs. L'attention, petit à petit, va devenir continue. Et la concentration va suivre dans son sillage. La concentration va devenir de plus en plus forte, de plus en plus aiguisée. Et ainsi, la vision pénétrante va apparaître, la connaissance, la sagesse. Le yogi verra clairement la véritable nature des phénomènes. Et de cette façon, bientôt, il atteindra l'illumination dans cette vie même. Finalement, s'il atteint l'état d'arhat, eh bien, cette mort sera sa dernière mort. Et la souffrance dans le samsara sera écourtée. Ce sera sa dernière mort. C'est donc de cette façon que l'attention peut soutenir notre vie. Alors pour progresser, le Bouddha et les arhats ont suggéré, ont enseigné quatre façons de développer l'attention. D'abord, sati sampajanya, c'est-à-dire l'attention, sati et sampajanya, la claire compréhension. Si on peut rester attentif, la claire compréhension va émerger, va apparaître dans l'esprit. En général, ces deux facteurs vont ensemble, sati et sampajanya. C'est d'abord sati, d'abord l'attention, et puis dans son sillage, la claire compréhension. Tant que on peut maintenir l'attention, ces deux facteurs vont progresser dans l'esprit. Donc, le plus important, c'est d'abord de rester attentif. Rester attentif à chaque activité, à chaque phénomène. Et automatiquement, sampajana va suivre. La claire compréhension va suivre. Donc, le deuxième facteur qui peut développer l'attention, c'est et qui est recommandé donc par les Bouddhas et les Arhats, c'est d'éviter les amis qui ne sont pas attentifs, les personnes inattentives, que ce soit pendant la méditation ou pendant la vie quotidienne. Si nous communiquons avec des personnes qui sont inattentives, on va être entraîné dans leurs activités, c'est-à-dire des activités qui sont accomplies sans attention, quand on parle, quand on agit, etc. On va être entraîné dans leur mode de comportement, dans leur façon de parler, de communiquer. Donc c'est très important d'éviter les amis qui ne sont pas attentifs, surtout quand on médite. On doit le faire en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Donc le troisième facteur que les Bouddhas et les Arhats recommandent pour développer l'attention, c'est de communiquer avec des amis qui sont attentifs, à la fois dans la vie quotidienne et pendant la méditation. Si on écoute un ami spirituel, le Kalyanamita, notre vie et notre méditation vont véritablement progresser. Parce que cet ami va nous soutenir, nous suggérer de la bonne façon, il va nous suggérer d'être attentif, d'éviter d'être inattentif. Donc le quatrième facteur qui peut aider à développer l'attention, c'est simplement d'incliner l'esprit vers l'attention. C'est très important, à la fois pour la méditation et pour la vie quotidienne. Quand on médite, quand on observe un objet, on a l'intention d'observer cet objet, mais pourtant, au moment de le faire, l'esprit change. Il s'intéresse à autre chose. Et puis, on s'intéresse à cette autre chose, mais au moment où on s'intéresse à cette autre chose, l'esprit change de nouveau et l'esprit veut faire encore autre chose. De cette façon, ce n'est pas possible qu'on parvienne à stabiliser l'esprit, à développer l'attention. Bon, c'est très important pendant la méditation. Parfois, on a l'intention d'aller méditer, mais au moment vraiment où on doit méditer, l'esprit s'intéresse à autre chose. Par exemple, il veut aller quelque part, il veut raconter quelque chose, il veut écouter, entendre quelque chose. Tout sauf observer l'objet présent. Tant que nous ne pourrons pas contrôler notre esprit, tant que nous ne pourrons pas incliner notre esprit vers l'objet présent, on va devoir endurer de la douleur encore et encore. C'est pourquoi les Bouddhas et les Arhats nous suggèrent d'incliner l'esprit vers la méditation. Si on peut vraiment le faire, on va progresser de plus en plus. L'esprit ne va plus changer tout le temps. L'attention ne va plus être interrompue. Et si l'attention n'est plus interrompue, la concentration va suivre dans son sillage. Et lorsque la concentration sera suffisamment développée, on va pénétrer la véritable nature de l'objet. De cette façon, la connaissance va progresser et finalement, on pourra même atteindre l'illumination. Mon enseignement a duré une heure, donc au sujet de ce vers du Dhammapada. Appamado amata padam, pamada machuno padam. L'attention est le chemin de la non-mort, l'inattention est le chemin de la mort. Et puis deux autres vers, ceux qui sont attentifs ne meurent pas, mais ceux qui sont inattentifs sont comme déjà morts. Si nous pouvons nous conformer à ces conseils des Arhats et des Bouddhas, à ces quatre façons de maintenir l'attention, si on est vraiment en mesure de faire ça, notre méditation va progresser de plus en plus et la concentration va suivre dans son sillage. On pourra noter l'objet présent, les connaissances de la vision pénétrante vont apparaître et finalement, si toutes les conditions sont remplies, on pourra atteindre l'illumination. Donc, le Bouddha a dit « Appamada na miyanti », ceux qui sont vigilants, ceux qui sont attentifs ne meurent pas. Par contre, ceux qui sont éloignés, dont l'idée de l'illumination est loin de l'esprit, ceux-là sont comme déjà morts. Ye pamada yata mata. Finally, you will gain enlightenment in this very life. Then you will attain nirvana in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu.